T'en es où? T'as quel âge là? C'est comment tu gagnes de l'argent? De presque une intermittence, si t'as pas pris les sous. C'était comme ça à l'époque. L'important du coup, je crois que c'est de jouer. Et tu joues. Donc tout va bien, mon poulet. Moi, ça cassait mes rêves. Ça cassait pas ma bière de voir la musique. On m'a dit comment fallait faire et après il n'y avait plus le magique, c'était les hic, il y avait des recettes. Mais toi tu les connais déjà, donc tout ce qu'elle t'apprendra ce sera bien. Moi ça a juste tué mon bide de faire ça. Et du coup je suis pas allé au bout. Mais ouais, ça donne un diplôme pour...